Déjà à 17h en ce lundi 6 juin, dernière portion de Change de disque, Tania Beaumont qui est avec vous et je suis en compagnie de Raymond Poirier. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et tu es là pour ta chronique de l'ITIS, l'Institut Technologie de l'Information et Société, car tu es chargé de communication. Exactement. Alors, on plonge dans l'univers des actualités, dans le domaine des technologies de l'information. Après une petite pause, alors, c'est un plaisir, bien entendu, de revenir en ondes, retrouver comme ça tes auditeurs, auditrices. Et en plus, ben, aujourd'hui, il y a une belle nouvelle qui est arrivée, qui a jailli littéralement des fils de presse. C'est une sortie de l'ONU, en fait, donc rien de moins que l'Organisation des Nations Unies, via leur rapporteur spécial pour la promotion et la protection de la liberté d'opinion et d'expression, donc Franck Larue. Et lui dit, regardez, au même titre que l'eau potable, au même titre que l'éducation, au même titre qu'un environnement sécuritaire, il faudrait garantir à l'échelle planétaire l'accès au réseau Internet. Donc c'est plus qu'un privilège, il faudrait que ce soit reconnu, selon lui, comme un droit humain. Donc, ça va quand même très loin, là. Mais c'est une grande déclaration. Oui, effectivement. Et je complète peut-être un peu. En même temps, ça va permettre de bien saisir le contexte dans lequel on trouve tout ça. Alors, lui dit, l'Internet est devenu un outil indispensable pour combattre les inégalités, pour accélérer le développement, pour permettre à l'homme de s'accomplir. Assurer un accès universel à Internet devrait donc devenir une priorité pour tous les États. Alors, lui estime globalement que la toile et ses nombreuses applications sont un des instruments les plus puissants du 21e siècle pour accroître la transparence, pour faciliter l'accès à l'information, pour permettre la participation active des citoyens dans la construction de sociétés démocratiques. Alors, plein d'éléments comme ça, et ça recoupe aussi tout ce qu'on a dit au fil des chroniques dans les derniers mois, dernières semaines également. Donc, sur l'aspect essentiel, peut-être, de ce médium-là, incontournable. Et donc, on voit qu'il y a un organisme politisé qui lance un appel et qui dit essentiellement, bon, oui, ce sera pas une sinécure de garantir cet accès-là, mais il faudrait que ce soit un objectif à moyen terme. Donc, les pays du monde en développement, développés, industrialisés, moins industrialisés, adoptent des politiques qui permettraient éventuellement, justement, d'avoir un accès universel et donc de permettre à tous de pouvoir agir de manière équitable peut-être dans cet outil-là qui est de plus en plus, on le voit au gré des campagnes, des journaux et le reste, à quel point c'est essentiel si ce n'est pour pouvoir être des citoyens informés. Mais Raymond, ça reste par exemple un très très bel objectif, sauf qu'on a encore des problèmes de pauvreté, des problèmes de famine et on veut donner accès à tout le monde à Internet. Je pense qu'il faudrait peut-être commencer par régler les besoins un peu plus primaires. Ben, en fait, la question c'est aussi de voir quelles retombées pourrait avoir, disons, un meilleur outil côté informatique à l'intérieur justement de ces autres problèmes-là. Il y a de plus en plus d'intérêt d'ailleurs pour l'innovation sociale, donc voir de quelle manière les TI peuvent agir dans la lutte à la pauvreté, dans la lutte à la famine et le reste. Donc, il y a des applications, il y a des intérêts qui peuvent être faits. Et c'est clair, ce que dit M. Larue, c'est pas d'arrêter d'investir d'un côté, mais c'est de rajouter peut-être un pôle d'intérêt, en gardant en tête que présentement, on est 7 milliards d'humains. Donc, sur 7 milliards, il y en a 2 milliards qui sont branchés sur Internet. Alors, il reste encore quand même beaucoup de chemin à faire. Et Raymond, on reste dans l'humain parce qu'il y a les fédéraux qui ont fait des investissements en santé, en technologie de l'information. Oui, on fait une petite mise à jour, tiens, parce qu'on parle beaucoup de la question de la santé, que ce soit au fédéral, que ce soit au provincial, notamment du dossier informatisé en matière de santé. Alors, c'est toujours intéressant de voir où on en est. Et je suis tombé tout récemment sur le dernier rapport du Conseil canadien de la santé, le rapport donc de progrès. Et notamment, on parle des progrès dans le dossier de santé électronique. Essentiellement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 50% des Canadiens qui ont ce qu'on pourrait appeler un dossier de santé électronique. Bien entendu, il y a encore énormément de travail à faire, si ce n'est quant au développement d'un système intégrateur. Mais ce que le rapport dit, c'est qu'il y a des progrès notables qui ont été faits en Colombie-Britannique, en Alberta, sur l'île du Prince-Édouard, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick, ainsi qu'à Terre-Neuve. Alors, quand on parle, cela dit, de dossier de santé électronique, parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, oui, au Québec, on en a pas ben. Eux, ce qu'ils entendent, c'est un des quatre éléments suivants. Donc, soit un registre des clients, soit un registre des prestataires en images diagnostiques, soit des résultats d'examen de laboratoire. Donc, il y a un pan du système qui soit informatisé. Et on en avait parlé il y a quelques semaines aussi, ici à l'émission. Donc, il y a quand même des éléments qui sont faits au Québec. C'est simplement pas encore généralisée, malheureusement. Et pour avoir entendu des gens qui travaillent dans le système de santé, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paperasse. Et parfois, bon, juste quelqu'un a noté quelque chose ailleurs et là, ça sème un peu la pagaille dans le dossier d'un patient. Donc, de mettre tout ça par informatique, ça pourrait être quand même une surcharge de travail en moins pour les médecins qu'on sait déjà très surchargés. Exactement. Et d'ailleurs, cet élément-là, Tania, figure dans les recommandations du Conseil canadien de la santé. Ils disent, et je cite, « En raison de la complexité actuelle de la prestation des soins de santé, les dossiers de santé électronique s'avèrent plus importants que jamais et contribuent à garantir que les données critiques du patient ne soient pas égarées, qu'elles soient communiquées en temps opportun et que tous les prestataires de soins soient sur une même longueur d'onde. » Ce qu'on dit, c'est qu'on ne sait pas non plus dans quelle mesure ça va accélérer les traitements et le reste. On peut faire des évaluations, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que ça ne peut que bonifier l'organisation là, du système de santé. Je pense que là-dessus, sans vouloir parler à travers mon chapeau, la plupart des instances sont tout de même d'accord, là, je pense. La question, c'est de savoir comment, et il faut y répondre le plus rapidement possible. Et Raymond, tu nous as parlé aussi des prix de l'innovation il y a quelques temps et tu nous fais un retour là-dessus. Mais oui, en fait, je vous avais mentionné qu'on avait quelques projets qui étaient finalistes au concours des Octas. En fait, pour ceux qui ne sont pas dans la sphère TI, qu'est-ce que les Octas? En fait, c'est essentiellement un des plus prestigieux concours pour l'innovation, pour reconnaître l'innovation dans le domaine des technologies de l'information. Innovation qui se fait autant en entreprise, des grandes et petites entreprises, que dans le milieu institutionnel. Et on a eu une belle reconnaissance. Enfin, nos centres de recherche affiliés ont eu une très belle reconnaissance dans la catégorie apprentissage en ligne et gestion des connaissances. C'est un consortium qui s'appelle Forac. Et eux ont fait un logiciel qui s'appelle le jeu du bois, qui s'intéresse à la chaîne logistique de l'industrie du bois. Donc, il y a 7 joueurs qui peuvent faire une partie en ligne avec ce jeu-là. Et de la façon qu'ils procèdent, c'est que chacun va prendre un rôle clé dans la gestion de la ressource. Donc, par exemple, il y en a un qui va s'occuper des usines de coupe. Il y en a un autre qui va s'occuper d'une autre usine de coupe. Il y en a un tiers qui va pouvoir peut-être s'occuper d'une usine de première, deuxième, troisième transformation. Bref, on retrouve un peu différents joueurs comme ça avec différents besoins. Et le jeu essaie de recréer de manière la plus réaliste possible les réalités de gestion pour apprendre un peu les démarches de collaboration et de communication qu'il doit y avoir à l'intérieur de la gestion, justement, de cette sphère-là. Je dirais, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dans l'industrie du bois ou dans des industries où il y a justement présence de chaînes logistiques de ce type-là, eh bien, c'est un outil d'apprentissage qui est extrêmement précieux. Ouais. Eux ont déjà commencé à l'exporter. Il y a des universités en Amérique du Nord qui l'utilisent, en Suède. Il y a des entreprises à Hong Kong qui l'ont intégré. Alors, c'est vraiment, en fait, un programme là, d'apprentissage très spécialisé, mais très intéressant. Alors, ça s'appelle le jeu du bois. Si jamais vous voulez aller jeter un coup d'œil, simplement tapez dans votre outil de recherche préféré « jeu du bois » et « Forac » et vous allez tomber dessus, c'est garanti. Et en terminant, Raymond, il y a présentement le Carrefour international de théâtre qui bat son plein à Québec et Illitis avait des conférences pendant cet événement. Oui, et il y en a une qui s'en vient également demain. Alors, je profite de cette tribune pour lancer l'invitation à ces conférences, à ces rencontres. Donc, on en a déjà eu deux, comme tu le mentionnais. Une première où on présentait les recherches du Lantis, c'est le laboratoire des arts de la scène, de l'image et du son, donc qui parlait notamment d'un projet de leur castellet électronique et un peu leur scène robotisée et d'autres projets qui vont aller présenter eux à la quadriennale de Prague, qui est l'un des événements les plus prestigieux à l'international dans le domaine de la scénographie. Wow. Alors, c'était très intéressant comme présentation. Si vous l'avez manqué d'ailleurs sur le fil des événements cette semaine, ben en fait, ces deux dernières semaines, il y a un bel article sur la question. Vous le trouverez d'ailleurs au www.itis.ulaval.ca. On a parlé un peu de jeux vidéo et de théâtre également la semaine dernière, en se posant la question mais pourquoi le théâtre n'a pas cette interactivité qu'on connaît aux jeux vidéo? Est-ce qu'il y aurait moyen de l'intégrer? Et pourquoi également les jeux vidéo n'ont pas cette théâtralité qui leur manque peut-être un peu aujourd'hui? Alors, des belles questions qui avaient été soulevées par Jocelyne Kiss. Et demain, eh bien, on parle voyage. On parle voyage photographie et panophotographie. Alors, la panophotographie... Oui, j'allais poser la question. Je sentais tes yeux interrogateurs. Et la panophotographie, en fait, c'est des photos à 360 degrés. On peut saisir autant le zénith, le nadir, donc tous les angles, ça peut être extrêmement rapproché, tu extrêmement veux dire éloigné. Le haut et le bas. Le haut et le bas. OK, si t'avais pas mimé, j'aurais pas compris. Mais les mots étaient cute, fallait les dire. Ils sont très beaux. Et donc, il y a un chercheur à l'Université Laval qui s'appelle Tito Dupré, qui pendant une dizaine d'années a parcouru le monde, a été photographié comme ça, panneau photographié des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et en a fait un portail web qui s'appelle patrimonium-mundi.org. Vous allez faire un tour d'ailleurs. Ben oui, ça doit être vraiment un site très intéressant. Et en plus de ça, et lui, il essaie de développer, de pousser un peu plus loin, d'où l'intégration dans un événement théâtral. Donc, comment on peut partir d'un site où il y a des petits mondes virtuels, donc des sphères, dans le fond, qui sont présentes, et comment on peut les amener dans le monde réel? Et donc, il va parler demain un peu, bon, oui, de ses expériences de voyage, de ses techniques, il va vous expliquer aussi tout ce qui retourne autour de la panophotographie, mais lui, son objectif, c'est donc d'essayer de créer des environnements d'apprentissage ou de voyage virtuel, donc en sphère, exemple, dans l'esprit de planétaire. Donc, où on peut mettre la photographie, être littéralement à l'intérieur de la photographie. T'en parles, il me semble que le genre d'exemple que j'ai en tête, c'est par exemple quand tu visites un site pour un hôtel un peu chic, tu peux faire des fois une visite virtuelle de la chambre au grand complet. Bon, c'est pas une sphère, là, c'est plus un carré, mais ça donne une bonne idée quand même. Là. C'est vraiment le fait que l'image nous projette tout ce qu'il y aurait autour de nous si on était là. Exactement, et qu'on peut, avec un clic de souris, donc tourner littéralement en rond à l'intérieur de cette sphère-là. Et donc, imaginez qu'on peut construire des sphères et qu'on ait des projecteurs bien adaptés pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de cette sphère photographique-là. Et donc, plutôt que d'avoir simplement à cliquer pour changer notre point de vue, de simplement se déplacer à l'intérieur de l'image. Alors, c'est extrêmement théâtral, c'est extrêmement intéressant également au niveau éducatif. Et donc, c'est ce qu'on va aborder. Ça, l'invitation, je la lance pour demain. Mardi 7 juin à 14h. Donc, en après-midi, on déplace un peu l'heure de dîner, pourquoi pas. Ça se fait très bien. Ça se fait très bien. Et c'est au Café Bar Le Zinc, donc 336 rue du Roi. C'est juste derrière la bibliothèque Gabriel-Leroy. C'est un peu le quartier général là, du festival Carrefour de théâtre. Et c'est facile à trouver. C'est très, très bien indiqué, d'ailleurs. Oui. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.